Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On reçoit François Landry pour parler d'actualité politique. Et dans la chronique technologique CNX, on fait le tour des nouvelles geeks. Assemblage requis, ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, votre émission du retour. Vous êtes en compagnie de Mathieu Plante et de Kiwan. Salut Matt. Salut Ki. Ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui. Hey, on a une grosse émission aujourd'hui, moins grosse que les jours précédents par contre. Fait qu'il faut quantifier. Moi j'aime ça mettre une échelle de grosseur à mes choses. Ben c'est sûr qu'on a commencé la semaine tellement fort avec plein d'invités, avec Vanessa qui ont passé une grande partie de l'émission avec nous. Donc c'est sûr que ça pourra paraître plus tranquille un peu aujourd'hui parce qu'on a moins d'invités, il va y avoir moins de gens avec nous, mais quand même, on a la présence de François Landry qui n'est pas négligeable, je non, tiens à dire. Non, c'est une source non négligeable de landrisme ou de politique, c'est selon. De fibres aussi, je pense. Oui, c'est ça. Ben, disons qu'en tout cas. On va aussi avoir une chronique technologique CNX. Et aujourd'hui, on va faire le tour des nouvelles geeks. Donc, des choses qui se sont passées en technologie, des choses qui vont vous intéresser certainement. C'est un petit peu tard dans l'émission. On va commencer avec une formation qui va être à Trois-Rivières samedi. Oui, Beast vont être au théâtre du cégep de Trois-Rivières. Ils ont remporté aussi, en fait, semaine passée, le prix de l'album électro de l'année. Et on va écouter la pièce « Dis-moi ce que c'est, Mathieu ». City. City de Beast. Vous êtes à Assemblage requis. Jusqu'à 17h. How do you satisfy your needs? What sacrifice? Allez, la bombe est lancée, les synthés défoncent les planchers, les souliers attachés, prêts à danser, fais la chose, laisse-toi aller. Allez, vas-y, ose, bébé. C'est pour toi qu'on ose faire la chose sans penser. C'est pour toi qu'on ose sans penser qu'on fait des choses insensées. Une dose de chambre 22 qui fait danser. Injecter ou comprimer, pas de différence. Quand j'y pense, supporte la cause. Fais la chose, besoin du strict minimum pour balancer la sauce. Pas de différence, quand j'y pense, supporte la cause. Fais la chose, on a besoin du strict minimum pour balancer la sauce. Déclenché, impossible d'appuyer sur pause. Oui, tout le temps, fais la chose. Oui, tout le temps, fais la chose. Oui, tout le temps, mec. Yeah, oui, tout le temps, mec. Oui, tout le temps, mec. Oui, tout le temps, mec. Oui, tout le temps, mec. Genre 22, fais la chose à Assemblage Requis, l'album d'Assemblage Requis. Un jour, peut-être, un album d'Assemblage Requis, mais celui de Chambre 22 est gratuit sur Internet. Oui, c'est ça, vous pouvez aller télécharger ça. Vous pouvez passer par leur MySpace ou myspace.com/chambre22 ou par Facebook aussi. Je pense pas qu'il y ait de site officiel, mais en tout cas, passer par différentes plateformes là, pour rejoindre Chambre 22, ça devrait être assez facile. Vous allez trouver le lien pour aller télécharger cet album-là. Et aussi, j'en profite pour faire le message. Je sais pas si c'est encore d'actualité parce que ça date de quelques jours déjà. Donc, je sais pas s'ils recherchent encore des figurants, mais je sais que la semaine dernière, en tout cas, ils cherchaient des figurants pour leur prochain clip In the VIP. Donc, en même temps, quand vous les trouverez là, sur le net, vous leur enverrez un petit courriel. Puis si jamais ils cherchent encore ben, des figurants, peut-être que vous pourrez faire partie de leur clip In the VIP. Ça devrait être assez intéressant, ça, aller participer à un clip comme ça. C'est une expérience qu'on peut vivre. Ouais, mais surtout avec les gars de Chambre 22, ça doit être assez drôle. Ça déconne assez profond. Je pense que oui. Justement, on a entendu City, une pièce de Beast qui était dans le palmarès anglophone il y a de ça quelques mois. Et parlant de Beast, ben, on dit qu'il était en spectacle ce samedi au cégep de Trois-Rivières et l'AGE de l'UQTR ici a des billets à vous offrir si vous voulez aller voir Beast en fin de semaine. Et comment ça fonctionne, Mathieu, pour aller voir Beast gratuitement? Ben, si vous voulez une des trois paires de billets, vous avez qu'à nous téléphoner ici en studio au 819-376-5183. On va prendre votre nom, on va aller vous dire comment aller parler à l'AGE. Oui, c'est ça. Ou encore, vous pouvez aller voir directement, vous pouvez aller à l'AGE, au bureau de l'AGE ici qui est au pavillon Néré-Beauchemin. Mais si vous ne savez pas c'est où, c'est la chose à retenir, 819-376-5183. Ouais, si vous n'êtes pas au courant d'où sont les locaux, on va vous renseigner là-dessus. On va vous brancher. Connectez ça. Connexion. Hein? Donc voilà. On continue avec la musique de Mille Monarques. Oui, Mille Monarques et la pièce rouge dans le palmarès francophone. Est-ce que c'est bien cela? Oui. C'est bien elle. Vous êtes à Assemblage Requis. Sur C'est fou. 89.1 FM. Yeah. 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Look at you go. Sunset Rubdown et la pièce Idiot Heart. Oui, c'est dans le palmarès anglophone, ça. Tout à fait. Hey, mais attends, on a l'air essoufflé, on est vraiment comme... Oh, ah, c'est quoi? C'est quoi? Non, on n'est pas essoufflé du tout. Tout va bien. On est très calme et on est zen même. On est prêt pour la chronique CNX. Zenix, qu'on pourrait l'appeler. C'est Zenix. Zenix. CNX, la chronique de la bibliothèque de la radio. Et aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, c'est le tour des nouvelles geeks de la semaine, donc des choses qui sont passées dans le domaine des nouvelles technologies. Donc, mets-nous au courant de ce qui s'est passé. Avec plaisir. Commençons par Amazon qui a lancé le Kindle dans 100 pays, mais pas au Canada. Dans l'espoir de se démarquer de ses compétiteurs, Amazon.com réduira le prix de son lecteur de livres électroniques Kindle. En plus d'en lancer une version internationale, le Kindle International coûtera 280 $ américains et pourra fonctionner dans 100 pays. Il va être vendu à l'extérieur des États-Unis, notamment en Australie, au Japon, en Inde, en Allemagne. J'ai lu l'Ouganda aussi, mais pas le Canada. Ah. Étrange. Les lecteurs canadiens qui souhaiteront se le procurer devront prendre leur mal en patience puisque l'appareil ne sera pas disponible au pays. Le site Amazon.com offre en effet aux consommateurs canadiens le message suivant, et je cite « Malheureusement, nous sommes actuellement dans l'impossibilité de livrer le lecteur Kindle ou d'offrir son contenu au Canada. Nous travaillons afin de pouvoir offrir le Kindle à nos clients canadiens le plus tôt possible. Ce que les rumeurs disent, c'est que Amazon essaie de faire des offres, si on veut, à différentes compagnies pour que le téléchargement des livres, parce que dans le fond, c'est un livre électronique, c'est un appareil où tu peux lire des livres en les achetant par Wi-Fi, la connexion sans fil. Ils veulent trouver une façon de ne pas faire payer pour la réception et l'envoi de fichiers par le réseau. Donc, les gens vont pouvoir payer seulement pour le livre, disons 10 $ pour le livre, mais sans avoir à payer le transfert des données sur un réseau comme Cogeco ou Bell, ce qui serait une bonne affaire, en fait. En entrevue, le grand patron d'Amazon a indiqué que l'entreprise peut maintenant réduire le prix du lecteur Kindle aux États-Unis qui passe de 300 $ américains à 260 $ américains grâce au volume d'appareils produits et vendus. C'est d'ailleurs le produit électronique. Le lecteur électronique, c'est le produit le plus populaire de Amazon, de l'entreprise. C'est vraiment un très, très grand succès. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça lire sur un appareil électronique. Est-ce que tu le ferais, toi? Est-ce que tu lis, premièrement? Est-ce que tu sais lire? Ben oui, non, moi, je sais lire, Mathieu, mais tu vois, c'est le genre de choses. Tu me connais un peu, là. Ouais, je suis pas très à la page. Puis c'est pas non plus parce que c'est vraiment un choix que je fais souvent, là, de rester dans mes vieilles habitudes puis rester très old school avec des vieux trucs, là. Donc, tu vois, je suis vraiment pas proche, je pense, de passer au livre électronique, là. Je pense pas le faire un jour dans ma vie, en tout cas, je ne penserais pas, non. Bon, non, mais c'est beau, un livre, c'est un bel objet. C'est vrai, ça sent bon ça aussi. Ça sent bon, tu sais, puis c'est fun. C'est vrai que l'attrait d'un appareil électronique, surtout qui est noir et blanc, et puis pour changer de page, c'est un bouton sur le côté, c'est pas la même chose qu'un livre. Peut-être que quand la technologie sera plus avancée, avec peut-être deux écrans refermables qui ressemblent visuellement à un livre, puis qu'il y aurait comme un petit envoi de jet de senteur de livre, peut-être que là, ça te convaincra. Une grosse portion de la ville de Québec est maintenant visible en 3D sur le web grâce à la fascinante et controversée application Google Street View, dit un article de Canoë Techno. Si vous désirez prendre une marche virtuelle sur les plaines d'Abraham, sur le pont de Québec, la Grande Allée, c'est désormais possible de le faire à partir des ponts jusqu'au bassin Louise en déplaçant le piéton Pegman sur le site internet de Google Maps. Les vues à 360 degrés de l'application Street View ne sont toutefois pas encore disponibles au nord de l'autoroute Charest. Il va falloir patienter encore avant de pouvoir visiter virtuellement les anciennes villes de Vanier, Beauport, etc. L'application en ligne est actuellement disponible dans les villes de Montréal, Toronto, Ottawa, Hamilton, Halifax, Calgary, Vancouver et leurs proches banlieues. Des véhicules munis de caméras panoramiques ont sillonné les rues, avec leurs roues, des plus grandes villes au Canada depuis le 25 mars dernier, et la cueillette des images panoramiques va bon train. Wow! C'est quand même vraiment, vraiment génial, ça. Mm-hmm. L'application Google Street View est à l'origine d'une polémique en passant sur la protection de la vie privée. Toute image filmée au moment où le véhicule prend des images devient accessible à tous. Il aurait été facile de reconnaître les visages ou les plaques d'immatriculation. D'ailleurs, Google a adopté une politique visant à brouiller les visages et les plaques pour se conformer aux lois canadiennes, ce qui a fait de drôles de choses, d'ailleurs. Parce que, une mascotte d'une chaîne de restauration rapide, un visage, c'est, mettons, Burger King au pire, ça. La face de Burger King a été flouée sur plusieurs photos prises par Google Maps, donc c'est pas toujours efficace pour détecter des visages, mais au moins si ça peut arrêter la polémique et faire que les gens vont arrêter de poursuivre Google pour enlever. Mais non, mais la mascotte de Burger King aussi a le droit à sa vie privée, Mathieu. Tu parles de ça comme si c'était une chose. C'est un criminel, le gars arrive dans ta maison et tu sais même pas. Ben, criminel. Je l'aime pas. Bell Canada et TELUS, la grosse nouvelle de la semaine, ils vont commencer à offrir deux modèles d'appareils iPhone de la compagnie Apple au Canada le mois prochain. C'est très, très gros. Les deux entreprises ont fait l'annonce mardi par voie de communiqué. Cette percée aura pour effet d'augmenter la pression sur les concurrentes, Rogers Communications, qui est propriétaire de Fido, qui offre aussi l'iPhone. Ces appareils ne fonctionneraient au Canada qu'à travers le réseau sans fil de Rogers. Les deux entreprises de télécommunications ont conclu une entente avec Apple selon laquelle elles pourront offrir les appareils iPhone 3GS et iPhone 3G, qui est la génération d'avant, au Canada à partir du mois de novembre. Les détails concernant le prix et la disponibilité sont toujours à communiquer. Reste à savoir si le prix de ces téléphones va diminuer, Rogers ayant perdu l'exclusivité du marché. Est-ce que tu vas acheter un iPhone parce que c'est rendu sur un réseau que tu connais plus que Rogers? Devine, Mathieu. Non. Je pourrais ne pas te parler, des fois. Non, mais je le sais. iPhone, qui wants comme un ordinateur portable. C'est le fun, n'est-ce pas un téléphone, ça, non? Ouais, c'est sûr. Enfin, lors du dernier sommet du G20 à Pittsburgh les 24 et 25 septembre dernier, certains manifestants ont pu échapper à la police grâce aux nouvelles technologies, selon l'article qui vient de Cyberpresse, le carnet TechNote. Selon la police, Elliot Madison, 41 ans, travailleur social à Manhattan, qui se décrit comme un anarchiste. Hein? Je connais ça, l'anarchisme. Un rebelle, toi. Donc, le gars écoutait les fréquences de la police grâce à des scanners, transmettait en direct ce qu'il entendait sur des téléphones portables et via le site de microblogage Twitter. Informés, les manifestants pouvaient plus facilement éviter les charges des polices et changer de rue au moment opportun. Wow. On s'en sort avec Twitter. Ça sert à tout, ça. Non. Les hommes sont plus enclins que les autres. C'est sûr que ça aurait été aussi simple, dans le fond. S'il y avait simplement eu un rapidotron, il aurait pu sauver très facilement. Comme dans Robin Stella. Pareil. Est-ce qu'il y avait des petits toutous? Moi, c'est le petit toutou que j'aime, qui fait les drôles de bruit. Toutou? Ah oui, le oups. Le oups. Les oups. Ouais. Je me rappelle pas du nom. Les hommes sont plus enclins que les femmes à afficher un commentaire dans un forum électronique ou à réagir en ligne à la suite de la lecture d'un article ou d'un commentaire en ligne. Ce sont les conclusions de récents sondages réalisés pour le compte de TD Assurance auprès de 1001 personnes. Hein, eux sont très précis, hein, 1001. Par contre, lorsqu'il s'agit de partager une opinion au sujet d'une expérience, les femmes sont plus portées que les hommes à publier un commentaire en ligne, 58 contre 47. Et toujours selon l'étude, un Canadien sur trois ne croit pas être légalement responsable de ses commentaires émis en ligne, alors que 18% regrettent leurs propos. Hein? Selon le sondage, plus de la moitié des répondants écrivent en ligne pour exprimer leur opinion sur une expérience ou pour donner leur point de vue sur un article ou un commentaire. Près du quart manifestent en ligne leur frustration au sujet d'une entreprise, d'un produit ou d'une expérience, et un faible pourcentage, 5%, ils discutent de leur travail ou de leurs employeurs. Ça, c'est plus dur. Hein? N'importe quand, ton patron peut te demander d'être ami, puis à un moment donné, tu dis « Ah! » Ah, OK, pourquoi pas. Puis là, il peut retourner en arrière, voir les deux dernières années, genre de commentaires obscènes que t'as fait. C'est pas le fun. Faut pas. Si une très grande majorité des jeunes de 18 à 34 ans sont friands de commentaires en ligne, les baby boomers participent eux aussi aux discussions sur le web. Le sondage révèle en effet que près de la moitié des 55 ans et plus écrivent des commentaires en ligne. Qu'est-ce qu'on en pense? Que veux-tu? À un moment donné, les gens commencent à s'habituer et demandent à leurs enfants ou demandent à leurs... N'importe qui pour les aider, puis ça donne ça. Je vois ça, peut-être que quand je vais avoir 55 ans, je vais être vraiment à la page. Là, je pourrais me demander à mes enfants de m'expliquer comment ça marche. L'Internet 14.0. L'Internet, tout ça. Là. C'est ça. Ouais. Les futurs logiciels qu'on n'ose même pas imaginer. Exit le cliché voulant que l'adepte de Facebook soit un être asocial, muré derrière son ordinateur et ses milliers d'amis virtuels. Surprise! L'ami Facebook est un être plus social que la moyenne, dit l'article du TechNote, encore une fois. Et si la technologie permettait aussi d'entretenir des vraies amitiés? J'ai posté l'article sur assemblagerequis.com, je vais pas le lire au complet, mais un sondage publié cette semaine par l'Observatoire de l'indice relatif de bonheur est sans équivoque, même si près de la moitié des Québécois, 43%, affirment que ni la technologie en général, ni Facebook ne rapprochent les gens. Il n'empêche que les adeptes de Facebook semblent étonnamment plus sociables que la moyenne. Ils sont plus nombreux à faire partie d'un groupe social. Ils ont davantage une vie sociale active et aussi ont des liens nettement plus étroits avec leur famille. Cette relation n'est pas que virtuelle, 63% d'entre eux participent régulièrement à des activités sociales par rapport à 59% des non-membres. Ouais, c'est ça, mais comme c'est mentionné, c'est pas le fait d'avoir une vie sociale active sur Facebook qui fait en avoir une plus active dans la vraie vie, c'est le contraire en fait. C'est les gens qui ont déjà des aptitudes sociales à communiquer, à avoir beaucoup d'amis, c'est ces gens-là qui vont le plus utiliser les plateformes comme Facebook, donc... C'est pas Facebook qui amène la sociabilité. Tu comprends? C'est l'inverse. Oui, ouais, non, mais je comprends très bien. Puis je pense que c'est un très bon point, Anne. Oui, c'est ça. Et on termine avec une autre question sur les hormones cette fois-ci. Une étude a démontré qu'un joueur qui gagne à un jeu vidéo subit une montée de testostérone, mais seulement si les opposants qu'il a battus sont des étrangers. À l'inverse, si le joueur bat des personnages de son entourage, son niveau de testostérone chute. Le phénomène inconscient expliquant l'impact avantageux de la testostérone sur le niveau d'agressivité d'un homme serait une sorte de résidu de l'évolution, dit un article sur Branchez-vous Techno. Au sein d'un groupe d'étrangers, vous pouviez tuer tous vos rivaux et cela paraissait bien. À l'inverse, le fait de tuer un ami ou un membre de la famille n'avait pas de sens. Pour établir une hiérarchie sociale, vous ne pouviez créer du tort à l'un des membres de votre groupe parce que vous aviez besoin de chacun d'entre eux pour survivre, explique le directeur de l'étude. Le même principe s'appliquerait aux combats militaires ou aux parties de football. Après une victoire, les résultats de recherche démontrent qu'au sein de l'équipe gagnante, le niveau de testostérone du joueur ayant le plus contribué à la victoire subissait une augmentation très significative immédiatement après la fin du jeu. Aussi, lorsque les membres appartenant à un même groupe s'étaient affrontés, celui qui avait le plus contribué à la victoire avait un niveau de testostérone inférieur à ceux qui avaient été battus. Les 42 participants ont joué à la version prévue pour joueurs multiples du jeu Unreal Tournament 2004 qui se nomme Onslaught. Il s'agit d'un jeu violent qui consiste à tuer des adversaires au moyen de différents types d'armes. Donc ça rend viril, bref. C'est on dit comme ça, ouais. Jouer à des jeux vidéo, ça rend viril, mais faut que tu joues contre des étrangers. Parce que sinon... Sinon, ça fait de toi un être mauviette. Doux, une chochotte. Une chochotte! Oh. Voilà pour la chronique Cynix pour aujourd'hui. Il y en a une autre demain vers les 15h20. Et elles sont toutes compressées en un seul et même fichier. Qui s'appelle le Cynix.zip, diffusé les lundis matin à 10h sur les ondes de C'est Fou. Et je vous rappelle que les liens sont tous sur le www.assemblagerequis.com. Exactement. On s'en va entendre un petit peu de Égrégore. L'album s'appelle encore L'amour à perpétuité. Voici Lettre à mes parents adoptifs. C'est Assemblage Requis sur les ondes de C'est Fou. 89.1 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières. La seule, l'unique, l'incroyablement grandiose. J'ai plus d'autres adjectifs. Kiwan, trouve-moi-en dans un facile, un adjectif. Bonne. J'ai massacré C'est fou dans ton salon. 89. Vous écoutez Kiwan et Mathieu, assemblage requis. Vous avez capté la pièce Le Voyage de son plus récent album Bushido. C'est tout frais, ça, tout neuf. Tout chaud, tout beau, tout frais. Est-ce que tu peux être frais et chaud en même temps? Je sais pas. Je dirais même Le Voyage dans le temps. Dans le temps. Il y a même une suite à ça. Mais oui, Le Voyage dans le temps. Wow! Uh-huh. Wow! Meuble bouché. Ça paraît-tu? Vraiment, on dirait presque que t'as plus rien à dire. On dirait, mais pourtant, c'est tellement même pas vrai, en plus. Moi, ce que je suggérerais, Mathieu, c'est qu'on retourne en musique. D'accord. Avec, t'es pas d'accord? Non, je suis d'accord. J'allais raconter un petit quelque chose avant. Vas-y, pareil. Ben vas-y. Ah oui, mais j'allais raconter que j'étais sur Facebook récemment. Tu sais, je suis membre de la page fanpage de Bon Sound, l'étiquette de disque. Tu connais Bon Sound? Oui. Qu'est-ce qu'ils font, Bon Sound, déjà, plein d'affaires? Plein de trucs. Ben, c'est pas vraiment une étiquette de disque, en fait. Non. Attends un peu, je veux pas te contredire inutilement, mais... Et on va avoir le plus professionnel possible dans ce bloc ici, hein. Non, c'est ça, ils font juste la gérance d'artistes. Ils font la promo puis la gérance. D'accord. Ouais. C'est plus logique. Parce que tu vois, justement, ben, continue ta nouvelle, puis... Hein, ça va s'imbriquer dedans comme c'était assemblé, là. Assemblage requis, c'est un peu ça. À l'occasion de son 5e anniversaire, donc, Bon Sound offre une compilation de chansons inédites. C'est sur bonsound.com/5 ans. Le concept, c'est qu'un artiste de chez Bon Sound reprend une pièce d'un autre artiste de chez Bon Sound. D'accord? Donc, résultat, des reprises originales, des mélanges de genres inattendus et de belles trouvailles sonores, disent-ils. Donc, vous pouvez télécharger dès maintenant une nouvelle chanson qui va être sur le site bonsound.com/5 ans. Et une nouvelle chanson va être ajoutée à tous les mois pendant la prochaine année. C'est bien, hein? La première, c'est Philippe B contre Malajube. Donc, c'est Philippe B qui interprète un cover, si on veut, de Fille à plume de Malajube. Et là, si vous allez sur /5 ans, vous pouvez l'écouter, la télécharger et acheter la version originale. Donc, tu vois, Bon Sound, c'est aussi une compagnie, un label de disques, mais c'est comme un gros concept, mais ils font surtout de la gérance parce que, tu vois, justement, Malajube sont sous l'étiquette Dare to Care Records. C'est vrai. Tu vois, donc, mais c'est ça, ils sont représentés pour la promo puis la gérance par Bon Sound. Mais Bon Sound ont aussi une étiquette de disques. Certains artistes qui sont produits directement sous Bon Sound ou Proxenet, puis ils ont comme plusieurs tentacules. Blow the Fuse, Proxenet, c'est ça. Donc, c'est tout associé ensemble. C'est quand même une grosse boîte, là, bref. Puis, ils fêtent leurs 5 ans. Bon. C'est ça qui est à retenir. On a fini par le dire. Et puis, la pièce, est-ce qu'on va l'entendre? Tantôt. Mais avant ça, on va entendre Highlands. Oui, on va écouter une pièce du nouvel album de Highlands Vapors. Je commence à m'habituer tranquillement à ce son-là. On l'avait écouté on avait écouté des pièces avec Maxime il y a à peu près 2 ou 3 semaines avec Maxime Lemieux Laramé. Dans sa chronique Télécharge quoi qui est le jeudi. Exactement, où il nous arrive toujours avec des primeurs et des découvertes. On avait écouté ça il y a quelques semaines, puis on n'était pas sûr, personne. On trouvait que c'était un peu bizarre. C'était différent, c'est sûr, de ce que Highlands avait fait avant. Mais je commence à m'habituer. J'entends de plus en plus de pièces là, qui jouent à gauche et à droite. Et puis, je commence à m'habituer à ce son de Highlands. Et on va écouter la pièce titre de l'album Vapors. Vous êtes à Assemblage requis au 89.1 FM. C'est l'émission du retour en pièces détachées n'importe comment. Hein? Ouais. Casse-tête. Clic-clac. mes yeux veulent voir, tes yeux voient noir. Tourner sans elle, pieds nus dans la rue, elle s'enfuyait. De nous quatre sans dire un mot, de nous quatre sans faire un plot, elle s'enfuyait avec mes yeux dans ses mains. Mes yeux veulent voir, tes yeux voient noir. La pièce Fille à plumes de Malajube reprise par Philippe B. C'est même, si, même quand on connaît bien la pièce, c'est difficile de reconnaître les paroles parce que d'habitude, c'est Malajube, on dit souvent de eux qu'on comprend pas les paroles. Un c'est peu quelque, à la blague, cacophonique un peu. Mais cette pièce-là, Fille à plumes, c'est vraiment la pièce dont on comprend le moins les paroles. Mm-hmm. Donc, tu sais, vraiment, il n'y a pas un seul mot là-dedans que je reconnaissais de la pièce, mais on reconnaît quand même l'air. Mais faut quand même aussi apprécier le style minimaliste de Philippe B. Là. Ouais. C'est ça que je suis pas sûr, moi, si j'aime ça. Juste voix-guitare comme ça, un peu country-ish, là, avec du slide guitar, je sais pas trop. Donc, Les textes de Malajube sont drôles quand même. Là. Souvent, sont bons, mais c'est pas de la chanson à texte non plus. Donc, non, ça fait bizarre de mettre un chansonnier, entre guillemets. Avec des paroles qui sont pas de ce style-là. Ouais, c'est ça le but, en fait, là, c'est que ce soit deux cultures différentes qui entrent en choc. Mais ben c'est ça, ça donne ça. C'est ça, ça donne un genre qu'on n'est pas sûr. On rappelle, c'était pourquoi? C'est pour le 5e anniversaire de l'étiquette slash maison de gérant ou de gérance, comment on appelle ça, d'administration d'artistes. Oui, c'est ça. Ils font la gérance d'artistes, la promotion, mais aussi produisent des artistes. Bon Donc, sound. C'est Bon Sound. C'est leur 5e anniversaire. Ils vont faire une compilation de chansons inédites où on prend un artiste de chez Bon Sound qui reprend une pièce d'un autre artiste de chez Bon Sound. Dans ce cas-ci, c'est des artistes qui sont liés à Bon Sound par des tentacules ou des sous-compagnies de étiquette de disque, je suis tout là-dedans, puis je comprends rien pourquoi que c'est de même, mais en tout cas, on s'en fout. Deux artistes de Bon Sound, un reprend la pièce de l'autre, puis ils vont faire une nouvelle. Ben, pour faire une nouvelle va être disponible sur bonsound.com/5 ans, 5 en chiffres. Donc, allez-y, puis pendant la prochaine année à venir, il va y en avoir une par mois à télécharger. Et vous pouvez aussi acheter la version originale de la pièce, donc Fille à plumes par Malajube, en cliquant sur le site. Voilà. Rassembler tout ça, vous faire un beau petit album avec une pièce par mois. Faites-vous printer votre petite image, là. Exact. Sur votre printer. Ça va être sweet, sweet, sweet. Sweet lullaby. Bon, vous êtes Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. Oui, et maintenant, on va écouter une pièce d'un album qui vient de sortir, mais en fait, c'est qui est disponible au Canada depuis cette semaine. C'est le nouvel album de l'artiste M, Mathieu Chédid. C'est la pièce s'appelle Mister Mystère, mais en fait, l'album est disponible en ligne depuis le 31 août. Ensuite, il a été lancé, je pense, une ou deux semaines après en France. Puis là, ben, il est arrivé au Canada. Puis on l'a eu cette semaine, c'est fou. Exactement. C'est un album double qui comprend une partie CD et DVD. Donc, j'imagine que c'est des prestations de chacune des pièces. Plus un autre disque qui est seulement un DVD qui a été fait par sa sœur, Emily Chedid. Et je ne sais pas exactement ce que ça contient, ce DVD-là. Il faudra le consulter pour le savoir. Tout ce qu'on sait, c'est que « She did it ». Donc, on va écouter la pièce titre de l'album Mister Mystère de M sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. C'est Assemblage requis! Mister Mystère aime les vers au ciel de pierre. Mister Mystère kiffe la chair glaciale et claire. L'éclair qui fend la terre. Mister Mister a des posters de sa grand-mère. Mister Mister. Tu gardes ton Mister Mister. Mister Mister. Mister Mister, jambes de fer et œil de verre. Mister Mister, adore les terres dans sa glacière. Mister Mister, clame des vers dans les water. Mister Mister. Mister, Mister, Mister, Mister. C'est la pièce titre du nouvel album de M, Mister Mystère. Et c'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. On a une deuxième qui s'en vient. Oui, avec entre autres François Landry qui va venir nous parler de politique. On va aussi avoir plein de bonne musique du palmarès de C'est Fou. Et même, je dirais encore plus, des niaiseries. Possible. Avec nous deux. Restez là. C'est pas dîner de con, mais en dessous du dîner de con, c'est comme deuxième position de l'Assemblage requis. En termes de niaiserie, non? Ouais. Vu de même, hein? Restez là. Ensemble, qui pour toi aujourd'hui? Vous êtes toujours à l'émission Assemblage requis sur les ondes de CIFO 89.fm en compagnie de Mathieu Plante et de Kiwan. Et de vous, parce que c'est juste pour vous qu'on fait cette émission-là. Juste pour vous. Only you, et on y avise pour vous. Ah donc, Assemblage requis jusqu'à 17h. Oui, c'est vrai, et ça, c'est l'émission du retour en pièces détachées, donc on se permet de faire n'importe quoi, mais de le faire pour vous. De le faire bien. De le faire bien, n'importe quoi, fait, mais de le faire on bien. On fait bien n'importe quoi. Avec peu. Ben, juste nous deux, et les chroniqueurs. On fait beaucoup de n'importe quoi avec peu, et on le fait très bien. Wow, c'est poétique. Tantôt, on va recevoir François Landry pour parler de politique. C'est vrai? Oui, mais tout de suite, ce qu'on va faire, on va aller écouter une pièce du palmarès anglophone. Voici TV Heart Attack et Hey Ho! Talbot. Faut-tu dire Eo? Ah, ah, oh. Eo. Eo. Eo Talbot. Hey, Eo Talbot. C'est une vieille référence. She only calls when she's feeling down, trying to find her way out. It only hurts when I'm not around, I'm looking for my way out. She said, I'm afraid to see your face again. Heart Attack et A.O. Ben oui, puis tantôt, t'as dit A.O. Talbot. Ça avait comme vraiment pas rapport, mais ça nous a rappelé tout plein de vieux souvenirs de notre enfance et de Musique Plus. Et tu sais, j'étais sur le site de musiqueplus.com pour me tenir au courant des stations de télé québécoises. T'sais, des fois, si je fais ça, ça me tente. Puis sur le site de Musique Plus, ils ont posté des émissions d'archives vraiment géniales. Si tu vas dans, sur musiqueplus.com, dans la section TV plus Web TV, tu cliques sur Archives, t'as le cimetière des CD. Il y a des émissions plus récentes comme 1, 2, 3 Punk puis Casse-Gueule, mais il y a aussi Les Aventures du Grand Talbot. Il y a, bon, c'est le cimetière des CD, je l'ai déjà dit, de la Raclip spéciale Coloc.tv. Si tu recules encore plus loin, t'as Solid Rock avec Paul Sarrazin et Geneviève Borne. Yes, avec des coupes de cheveux hallucinantes. Incroyable. Sinon, qu'est-ce qu'il y a aussi? Parodie sur Terre. Ouais, ça, c'était vraiment bon. C'était Alain Simard et Angelo Cadet qui faisaient ça. Est-ce que c'est Cadet, son nom? Cadet, je me souviens. Ouais, Cadet, je crois. Angelo Cadet.

C'était Bernard Adamus avec la question à 100$. Est-ce que le micro l'a pogné? Je pense que oui. Oh oui. Ouais, c'était bien. Très bien. Je vais mettre ça? Ben oui. Je devrais te le refaire? Non, ça va aller. C'est sûr! Sûr! C'est François Landry qui va se péter les oreilles là-dessus. Je vois les aiguilles de VU se promener, puis c'est sûr t'en pète une à soir. Là. Ouais, vu d'ici, sont belles en tout cas, les aiguilles. Bon, vous êtes à Assemblage Requis, fini le niaisage, c'est l'air d'être sérieux un peu. Un peu, pas quand trop, même, pas tant, là. Faut relativiser, parce qu'à un moment donné, de la politique, ça peut être lourd si on prend pas trop, si on prend trop ça au sérieux. Mais François Landry prend ça au sérieux et le vulgarise pour nous dans sa chronique politique. Levez-vous debout pour l'honorable François Landry. Le début est solennel. Bonjour François. Bonjour Mathieu, bonjour Kiwan. Salut. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Aujourd'hui, notre ami Denis. Écoute, j'avais quitté l'émission lundi dernier, la chronique, en disant que je reviendrais sur Denis Coderre. Celui qui a été qui a démissionné son poste de lieutenant politique du Québec. Et puis à savoir qu'est-ce qu'il devenait. Est-ce qu'il va quitter la politique? Est-ce qu'il va se représenter en politique? Mais une chose est certaine, en politique fédérale pour le Parti conservateur... pas le Parti conservateur, oui. Parti libéral, son chien est mort. C'est certain qu'il ne pourra jamais revenir. Il s'est mis à dos la clique de Toronto en les accusant faussement de manipuler tous les candidats au Canada. Mais on a su 2-3 jours après que c'était la clique de Québec qui aurait putché Denis Coderre d'or. Donc, c'est pour ceux qui ne savent pas un putsch, là, juste en 3-4 mots, c'est... C'est « torse de l'homme, mon oncle ». D'accord. C'est, non, c'est bien c'est dit. Tant de le monon. Tant de le monon. Parce que Denis Coderre en prenait très large. Il était le lieutenant politique du Québec pour Michael Ignatieff, donc il avait carte blanche pour faire ce qu'il voulait au Québec. Donc, recruter des candidats, organiser une campagne, être le porte-parole officiel pour le Parti libéral au Québec. C'était pas Michael Ignatieff qu'on appelait, c'était Denis Coderre. Donc, il était comme un prince vis-à-vis son roi ou vice-versa. Tout dépendamment de comment ça se passe dans sa tête. Ouais. Donc là, Denis a quitté. Aujourd'hui, Michael Ignatieff a nommé une succession à Denis Coderre. Mais il a divisé le poste en deux. Il a dit « plus jamais je referai la même guerre ». C'est une bonne idée quand même. Bonne idée. Ouais. Donc, il a nommé le très honorable Marc Garneau, l'astronaute canadien, au poste de représentant au Québec. Le représentant, c'est tout simplement porte-parole. Il va être mascotte, un peu. J'aime ça, oui. On va l'habiller d'une grosse tête d'astronaute puis en peluche. Et puis, oui, il va faire très bien l'affaire, justement. Donc, lui, il est député de Westmount-Ville-Marie depuis un an. On verra ce que ça donne. Il a un grand charisme, mais pour la population, c'est plus un héros national qu'un politicien. Oui, c'est ça. Il est quand même plus populaire que la plupart des politiciens qui sont élus sans avoir été une vedette avant. T'as Guy Laliberté qui se retrouve dans l'espace, t'as lui qui se retrouve en politique, tout ça. Prochain lieutenant-gouverneur, peut-être? On verra bien. Ensuite, Pablo Rodriguez. J'avais gagé un 2$ en tout début de saison sur sa nomination. Mais lui, il va remplacer Marc Garneau. Donc, c'est juste un jeu de chaise musicale. Exactement. Donc, Pablo Rodriguez, ceux qui ne le reconnaissent pas, c'est celui qui a la belle crinière. Celui qui est beau. Là. Le plus beau libéral au Canada, c'est lui. Là. Avant même Justin Trudeau. Wow! Donc, la barre est haute. Là. La barre est très haute. Donc, dans la jeune trentaine, une future étoile montante pour le parti, il devient président du caucus québécois. Donc, c'était le poste de Marc Garneau. Et maintenant, j'avais dit que le poste de lieutenant-gouverneur, le lieutenant québécois, était pour être divisé en deux. Donc, Marc Garneau d'un côté, et l'autre côté, ça n'a pas été encore nommé, mais le nom de Brigitte Legault circule beaucoup dans les rangs. Brigitte Legault, c'est qui? C'est une nobody pour nous autres. Elle n'a jamais été élue parce qu'elle s'est toujours fait battre quand elle s'est présentée. Mais chez les libéraux, elle est extrêmement connue. Elle a été présidente de l'Aile Jeunesse, présidente des Jeunes Libéraux Canadiens, ensuite présidente de la section québécoise pour le recrutement, pour l'organisation. Donc, elle était dans l'espace aussi, puis je pense qu'elle a été présidente du Cirque du Soleil pendant un bout de temps. Ça pourrait ressembler à ça avec le beau tinet rouge. Mais c'est pas une élue. C'est pas une élue. Okay. C'est une employée, si on veut employer le terme. Donc, elle va agir à titre d'organisatrice électorale. Donc, elle prend la relève de Denis Coderre sur le terrain. Non pas pour parler du Parti libéral, mais pour aller cogner aux portes, pour dire « Hey, toi, je te veux dans mon équipe, dans telle circonscription, on va te faire élire. » Donc, c'est plus elle, la grande Manitou, dans l'ombre de Marc Garneau, si on veut. OK, la marionnettiste. Voilà. Si on veut. Voilà, donc ça, c'est les nominations pour aujourd'hui. Si on revient en arrière, Denis Coderre avait démissionné le 28 septembre à la suite, bon, pas d'un putsch, mais parce que justement, il avait trop critiqué son chef et puis l'Île québécoise n'avait pas apprécié. Michael Ignatieff avait souligné qu'il ne nommerait plus personne à ce poste-là au Québec. Il a dit « Fini les lieutenants, ça va être moi qui va prendre la succession. » Mais ce qu'elle va oublier, c'est qu'il faut qu'il s'informe avant de dire des niaiseries comme ça. Parce que dans les statuts et règlements du parti, il est obligé d'avoir un lieutenant au Québec. C'est juste pour le Québec, ça, ou il y en a dans les autres provinces? Il y en a dans aussi? Les autres provinces, mais c'est réparti en territoire, non pas en territoire politique comme le Québec. Il y en a, c'est pour l'Ouest canadien. Il y en a un, c'est pour le Centre canadien. Mais c'est pas un lieutenant. C'est un représentant. Okay. Juste au Québec, il y avait un lieutenant. Et un lieutenant, dans le langage libéral, c'est extrêmement large, comme je le disais. C'est le roi, le calife qui veut prendre la place du calife. Pour imager la fameuse métaphore de « he's no good ». Oui, « he's no good » à Radio-Canada le matin. Hein, oui, ça pourrait être d'un autre moment. Ouais. Mais oui, exactement, le calife à la place du calife, Denis Coderre, qui, lui, a toujours rêvé d'être chef. En étant lieutenant, il était un chef en soi. Mais maintenant qu'il n'est plus à ce poste-là, il devient seulement qu'un simple député, un backbencher de plus, parce qu'il a même quitté aussi le titre de critique pour la défense à Ottawa. Donc, il devient backbencher. Backbencher, c'est celui qui hoche la tête ou qui applaudit quand tout le monde le fait. Donc, c'est un rôle très ingrat pour un député. Mais combien de temps allons-nous donner à Denis Coderre à ce poste-là? Ben, il aime ça avoir de l'attention, hein, Denis Coderre. Il aime ça passer à la TV. Exact. Est-ce que ça va lui manquer? Je suis prêt à te prédire deux choses. Là, aujourd'hui, je prends l'engagement ce 7 octobre 2009. Là. On s'en reparle dans 4 ans, OK? Dans 4 ans, j'en reviens ici. Là. Bien sûr. Denis Coderre, maire de Montréal. Ah oui, tu penses? Ah. Oui. Et je ne suis pas le seul à penser. Il y a Michel Sauger aussi, l'analyste de Radio-Canada, qui a avancé. Dans le fond, c'est de lui que je m'inspire pour ça ici. Tu copies un peu. Non, je m'inspire. Non, je ne copie pas. Je m'inspire parce que, oui, je le vois à Montréal. Et surtout parce que cet été, il a été approché pour se présenter à la mairie de Montréal avant que Louise Arel se présente. Mais il a dit « Ah non, j'aime trop la politique fédérale. » Mais il voulait pas dire, justement, je vise la mairie de Montréal, puis dans le fond, je m'en vais. Exactement. Donc, il aurait fallu qu'il démissionne d'un des deux postes, puis sans se faire élire nécessairement à Montréal. Donc, il a eu l'air smart, c'est ça. Plus rien. Donc, il a été approché, et ça lui a tenté durant tout l'été jusqu'à tout récemment, dans le fond, où il a refusé de se présenter là. Mais là, son image n'est pas si entachée que ça. Hein? Je veux dire, c'est pour la population, là. Je t'invite à regarder les sondages. Ouais. OK, on sait que ça donne rien de regarder un sondage parce que c'est très volatile et la méthodologie, des fois, ça peut diverger. Le dernier sondage donne une chute de 10 points pour le Parti libéral. On s'entend, 10 points en politique, c'est des milliers de votes. Ouais. Présentement, le dernier sondage qu'il y a eu, Parti conservateur serait majoritaire avec 42 %. 42 %, c'est proche de la moitié des votes au Canada. Si t'as, en politique canadienne, quand t'as entre 30 et 34 %, t'es fort. Score très haut. Mais là, il y aurait 42 %. Le Parti libéral passe de 34 à 22 %. C'est une chute drastique. Donc là, Stephen Harper, dans sa tête, se dit « Est-ce que je déclenche les élections? » C'est le temps, là. Mm-hmm. Là, la pagaille est pognée chez les libéraux. Le lieutenant politique, celui que le Québécois moyen se reconnaissant en lui, a quitté le navire. Michael Ignatieff, qui n'a plus de programme, ne fait plus rien, n'a plus d'idées. Est-ce que Harper serait tenté de... Probable qu'on irait peut-être en élection dans les prochaines semaines, c'est à surveiller. Mais est-ce que le gouvernement en place peut décider, lui, comme ça, on s'en va en élection? Il peut pas décider parce qu'il n'a pas le pouvoir de déclencher des élections, moins qu'il aille voir la gouverneure générale dire « J'aime pas ça, comment ça marche, l'opposition me met des bâtons dans les roues à chaque fois, donc je demande que tu... mettre un terme à la session parlementaire, que tu sabordes le gouvernement. Il a le droit de faire ça. Mais il l'a déjà utilisé l'an dernier, ça, ce moyen-là. Et tout le monde l'avait critiqué. Il a été traîné en justice par un groupe militant du droit à la démocratie. Le gouverneur général avait été traîné dans la boue aussi là-dessus. Ça, c'est, je pense, quand il y avait eu la coalition. Exactement, la menace de coalition. Mmh. Il n'y avait rien de signé encore formellement. Il y avait eu une entente papier pour les médias, mais rien de conclu. Là, l'utiliser deux années de suite, je suis pas sûr qu'il puisse avoir deux jokers dans son jeu. Là. Ce serait vraiment pas bon pour la crédibilité de la démocratie. Voilà. Ça ferait juste entretenir le cynisme, là, voilà. C'est sûr. Certain. Ce qu'il peut faire, par contre, là, on est dans une période de vote de confiance. C'est-à-dire que l'opposition dépose une motion comme quoi j'ai plus confiance au gouvernement. On vote là-dessus. Donc là, si l'opposition se rallie, dit on vote contre le gouvernement parce qu'on perd confiance, comme le Parti libéral a fait la semaine dernière, là, le gouvernement peut tomber. Le jeu de Harper là-dedans pourrait être « Je propose une motion de confiance assortie d'un projet de loi très impopulaire. » Donc là, les libéraux vont voter contre le gouvernement, ça c'est certain. Le Bloc québécois, ça reste à voir. Des fois, il est à gauche, des fois, il est à droite, des fois, il est à Ottawa, des fois, il est à Québec. On verra. Et le NPD qui, lui, s'est dit, cette année, on va voter pour le Parti conservateur pour conserver une chambre. Sauf que si Harper, assez intelligent comme il est, dit « on va demander une motion de confiance » assortie d'une loi que les néo-démocrates ne peuvent absolument pas voter pour. Imaginons suppression de l'assurance-emploi. Ça se pourrait, ceux qui proposent ça. Les néo-démocrates pourraient jamais appuyer ça. Autant se tirer une balle dans la tête tout de suite, ils ne pourraient pas. Donc, ils vont voter contre. Donc, le gouvernement pourrait tomber là-dessus. Donc, c'est juste pour montrer que oui, c'est faisable, un gouvernement qui s'auto-trébuche. Mais c'est vraiment croche. Ouais, vraiment, j'allais dire croche, là. C'est non, c'est légal. Ouais. C'est légal. Oui, c'est légal. Tout est légal. C'est légal, mais est-ce que, tu sais, mais là, j'étais pour dire, mais est-ce que les gens vont être assez crédules pour voir ça, puis faire comme « Ah, ben on s'en va en élection, puis sans rien dire. » Sauf que le pire, c'est que je suis sûr que oui. Je suis sûr que le temps que dure une campagne électorale, les gens auraient tout oublié qu'il n'y a pas de raison d'être en élection, puis finalement, ça influencerait pas le vote, sûrement. Exact, c'est pour ça que je demande, j'ordonne à la population de toujours s'intéresser à la politique pour au moins avoir un œil critique sur tout. Quand Harper dit c'est bon pour le Canada, dit toujours c'est quoi l'envers de la médaille. Quand Ignacev dit c'est bon pour le Québec, c'est quoi l'envers de la médaille. Ça se pourrait que ça soit bon, c'est plausible. Mais gardez toujours l'œil critique en disant je suis pas sûr. Je vais aller voir ailleurs, je vais m'informer, je vais lire, je vais écouter la radio, la télé. Écouter François Landry serait pas mal la chose à dire. Hein? Ouais, pour aller. Ça te met de la pression. Ouais, ça me met de la pression que j'en shake, là. Mais non, mais. Oui, c'est vrai, comme tu disais, Kiwan, que la population, à un moment donné, va être tannée et ça se répercute dans le taux de participation des élections. Aux dernières élections, c'était 57%. Encore 7% de population qui ne vote pas. Et puis là, on tombe sous le seuil d'éligibilité démocratique, si on veut. Là. Donc, ça va être à surveiller grandement, ça. Dans les prochaines semaines, du moins, là, je serais pas surpris. Ah... C'est presque déprimant. Vraiment, là? On se demande après ça, on le dit à chaque semaine, mais on se demande pourquoi les gens après ça sont cyniques envers la politique. Ben, c'est pour des affaires comme ça, puis ça vaut la peine d'être répété. Voilà. Merci, François Landry. Ça me fait plaisir. Lundi prochain, une autre chronique politique. Non, on est en congé lundi prochain. Ben oui, c'est une fête. C'est déjà lundi. C'est une fête religieuse. Tu as mangé de la dinde, et puis c'est tout religieux, c'est l'action de grâce. Ben oui. Ben oui, on remercie Dieu de la bonne moisson. Ah, OK. Fait qu'on va juste manger une poutine, puis. Ouais, c'est ça. Être en congé, on va être bien content. Exact. Bref. Mercredi prochain pour une autre chronique politique, alors. Oh, ouais. Tu ne pourras pas manger de poutine. Je pense qu'il faut, qu'il fallait que tu jeûnes là, avant l'action de grâce. Ben ouais, c'est ça. Ça, c'était le ramadan et c'est fini. C'est ça, c'est la Rosh Hashanah. C'est ça. Bon, voilà pour la chronique politique. On continue Assemblage requis jusqu'à 17h. Il nous reste un bon 35 minutes. On va aller écouter un petit peu de Fred Fortin. Ça te tente-tu? Ben oui, faisons donc ça. On va affronter le mur tous ensemble. Ah non, Mathieu, arrête. J'ai pas fait de jeu de mots. J'ai juste qu'on allait affronter la pièce qui s'appelle le mur. Ça n'a rien à voir avec Benoît Gagnon. Du tout! Détrompe-toi. Vous écoutez Assemblage requis, le retour sans Benoît Gagnon. facile de parler avec un tas de roches. Si c'est thérapeutique, faut croire que c'est une drôle d'approche. Je l'ai remonté pièce par pièce, j'avoue qu'il était un peu tout croche. Un peu pas mal, mais c'est pas grave. Bah, pas d'allure, respectons. J'ai besoin de toi, tu me feras pas ce coup-là. Jamais tu me feras croire que t'as pas le m'attendre. J't'ai vu pleurer des larmes de béton. Pense-y même pas, Murbeck. C'est pas comme ça. Assemblage Reiki jusqu'à 17h. The Slough avec la pièce It's All Over. C'est le groupe du DJ canadien Kid Koala. Donc fait un, c'est parti un groupe, ça sent un peu comme Beast, je trouve. Oui. Puis c'est ça, c'est un album qui est disponible entièrement gratuitement sur le newfonia.com, N-U-F-O-N-I-A.com. Vous pouvez télécharger l'album au complet gratuitement. Et ça ressemble pas mal à ce qu'on vient d'entendre. Je vais mettre le lien sur assemblagerequis.com pour ceux qui ne comprennent pas les mots que Kiwan vient de prononcer. Parfait, merci beaucoup Mathieu. Ouais. Allez sur assemblagerequis.com, cliquez sur l'émission d'aujourd'hui. On passe à Kids. Kids, c'est le nom de la pièce. Oui, on va écouter la pièce Kids. C'est un groupe qui commence à être quand même assez connu à Montréal. Ils font de plus en plus de spectacles. À la base, c'était un duo qui faisait la musique assez simple. Puis ont rajouté de plus en plus d'instrumentation autour de leur musique. Ça devient de plus en plus riche comme musique. C'est un groupe que ma sœur me fait découvrir. C'est le groupe d'un de ses collègues de travail. Puis finalement, c'est ça qui... le groupe s'appelle Our Book and the Authors. Puis ça devient de plus en plus populaire. On est à veille sûrement de recevoir un album ou un jour. Ben, je pense, en fait, ouais, l'album est déjà... Il existe déjà. J'étais pour dire de être à veille de faire un album complet, mais oui, il existe, l'album, il est disponible même. Donc, on va entendre la pièce Kids du groupe Our Book and the Authors. Ouais, mettons ça à l'endroit, là, ça va être pas mal plus compréhensible. Vous êtes à l'Assemblage Ricky? Au 89.1 FM. Jusqu'à 17h. It's cold outside, it's cold outside. Put your scarves in your mittens, cause it's cold outside. It's cold outside, it's cold outside. Put your scarves in your mittens, cause it's cold outside. It's cold. Donc le groupe de Slough qu'on vient d'entendre avec la pièce It's All... qu'est-ce que je viens de dire? Non, c'est C'était donc le groupe Our Book and the Authors. Exactement, avec Kids. Avec la pièce Kids, c'est ça. J'étais juste un petit peu en retard. Ah, c'est pas grave, on finit toujours par se rendre à la destination. Exactement. Et puis, ce que je vais faire maintenant, c'est vous faire une petite suggestion, peut-être, si vous cherchez quelque chose à faire ce soir. C'est la deuxième édition de la troisième saison de Parties Intimes. Kiwan, ne parle-moi pas de comment tu te touches le soir, par exemple, à la radio. Non, promis, je te parlerai pas de ça. Ça, on va le faire tantôt. Parties Intimes, ça... Parties Intimes, je parle pas de mes parties intimes. Non, en fait, Parties Intimes, tu connais le concept, Mathieu, tu sais ce que c'est. C'est quoi? Ça se passe au Charlot, c'est tous les deuxièmes... est-ce qu'on est le deuxième? On est le trois... Le deuxième. On n'a pas d'allure aujourd'hui. On est le premier mercredi du mois, c'est ça. Donc, tous les premiers mercredis du mois au Charlot, c'est de l'improvisation théâtrale. Généralement, ils sont quatre pour performer. Pour jouer. Mais c'est ça, c'est la deuxième semaine, le deuxième mois là, que c'est commencé la deuxième édition. Puis à partir du mois prochain, ils vont être de retour à quatre. Mais là, pour l'instant, ils sont que trois. C'est que Guillaume Michel-Janson, la superstar internationale mondiale, est justement en grande tournée de touchage de parties intimes. Non, il est parti en Europe, en fait. Il est en voyage, puis parfois. Exactement, mais... On partie des fausses rumeurs ici. Mais c'est ça, mais ils font quand même leur représentation de parties intimes à oui, trois. Et le font bien. C'est ce soir, ça coûte seulement 3$. C'est au Charlot à partir de 20h. Donc, c'est seulement 3$. C'est juste pour dire que c'est pas gratuit, là. C'est proche, hein? Exactement, donc ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour. Moi, en fait, j'ai jamais été, je dis ça comme ça, ça vaut vraiment la peine d'y aller, mais ouais, je suis persuadé que ça vaut la peine. Bout. Non, mais ça fait 3 ans que ça existe, ça. Ouais. Je pense que je me dis tout le temps que je veux y aller, puis là, c'est sûr, là, cet automne, je me le promets, je prends la promesse là, ici ouais, à l'émission Assemblage Requis d'aller voir une fois pour de bon. Aller voir ce que c'est partie intime. On va se forcer, on sait que c'est du monde super drôle, là. Ils sont c'est ça, très on les connaît en fait. Ils sont sympathiques. Sympathique. Donc, c'est au Charlot. Ce soir. Toujours dans un petit bloc de Kiwan qui nous présente quelques nouveautés musicales. Le prochain groupe, c'est Mathias Mental. C'est un groupe ou une personne? C'est une personne. Mais tu connais Mathias Mental? Oui, mais il faisait de l'électronique bizarre un peu. Oui, il faisait de l'électronique assez bizarre. J'aimais ça. C'était pas très conventionnel. C'était pas si facile d'écoute. Vraiment pas. Et puis là, il arrive avec... en fait, c'est pas nouveau. C'est le printemps dernier, il sorti un album qui s'appelle Songs About Ugly Girls. Donc, c'est une chanson qui parle de filles affreuses. C'est ça, c'est un album folk qui est fait vraiment dans un tout autre registre que ce qu'il faisait avant, qui était complètement déjanté. C'est vraiment minimaliste, c'est folk, c'est voix-guitare seulement. On pourrait penser que c'est l'opposé de ce qu'il faisait avant, mais tu vois, il y a quand même un endroit où ça se rejoint un peu dans le côté un peu mongol, c'est vraiment dans les textes. J'ai choisi une pièce qui était quand même pas trop hard, là, mais il y a des paroles des fois... peuvent être presque choquantes. Donc, on voit qu'on reconnaît quand même Mathias Mental dans le contenu, mais vous allez voir, côté forme, c'est vraiment tout différent. C'est très simple, c'est voix-guitare, tout simplement. Chansonnier un peu? Ouais, ben ouais, c'est ça, folk, là. Ouais. D'accord. Donc, Mathias Mental, la pièce To The New Alone. Puis moi, j'ai essayé de te demander si c'est nouveau avant de dire que c'est nouveau. T'sais. Hein? On se parle plus. On se parle plus, on n'arrête pas de parler à d'autres mondes. On se parle plus. Je te connais plus, Kiwal. Concrete walls, concrete streets. I like things made of concrete because it seems that much more real and that much more solid. Paper people, paper friends. Paper always melts in the rain. People always melt in the rain. I prefer concrete reality. Since I found out from her and me, two is the new alone, two is the new alone, two is the new alone, two is the new alone, two is the new alone, two is the new alone. And would it be so? Long, 'cause I feel so right to stay up all night and fight. Would it be so hard to live without being apart? Be so wrong. When she came in, she walked straight to me and she put her tongue in my ear. Yeah, she put her tongue in my ear. Said, I know you now. I met you somewhere, somehow, maybe in one of my plastic dreams. And I said, I'm sorry, baby, but I prefer concrete reality. Since I found out from her and me, two is the new alone, two is the new alone, two is the new alone, two is the new alone, two is the new alone, two is the new alone. And

Et les fanzines et la tentative de leur album Le Bonheur en 3D à Assemblage Requis. L'émission est presque terminée. Presque! Votre calvaire s'achève. Le nôtre. Le nôtre. Mais oh. Non, c'est pas vrai. C'est pas un, vrai. C'est un plaisir d'être ici. On aime ça jusqu'à 17h à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. Et on retourne en musique. Enfin, on n'était pas supposé revenir, hein, je pense. Mais bon, pas grave. On s'en va entendre Sundry Lurky avec un... comment dire en français? Un featuring, je dirais ça, moi. Qui feature qui? Qui feature Lillian Sandal. Voici Mother Nature. Une participation spéciale. Que s'en pense de ma traduction? C'est pas bien. Excellent. J'invente des choses. Adopté. Hein? Adopté. À l'unanimité. Come to face the truth. I'm wide awake, and so are you. Do you have a clue what this I is? Don't know. Are you everything that I don't miss? Hope so. We'll just have to wait and see. If things go right, we're meant to be. The surface is gone, we scratched it off. We made some plans, I let them go. No, I don't. Why the world is bright when oh, is that so? Stay a while and wait and see. Wait and see if things go right. We're meant to be. Oh, what a world this life would be. Forget all your technicolor dreams. Forget Mother Nature. This is how it's meant to be. Being straight, it's not too early and never too late. People say I should watch my pace. Think how you spend all your they all days. Say so. They'll just have to wait and see. Wait and see if things go right, they'll have to agree. Oh, what a world this life would be. Forget all your technicolor dreams. Forget. This is how it's meant to be. Sundry Lurky et Lillian Sandal et la pièce Mother Nature. Et c'est presque ce qui termine l'émission d'aujourd'hui, Mathieu. En fait, je dirais que c'est pas mal la fin ici. Regarde la musique qui part. Ça ressemble pas mal à ça, mais on retrouve demain à 15h. Pour l'autre édition de l'Assemblage Requis. Sinon, demain à l'émission, il va y avoir Beast, hein? Oui, on reçoit Beast en entrevue téléphonique pour leur spectacle qu'ils vont donner samedi prochain au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Et aussi, on vous rappelle que si vous voulez gagner des billets pour aller voir le spectacle de Beast samedi, vous pouvez passer ici au bureau de l'AGE. C'est au pavillon Néré Beauchemin. Exactement. Vous donnez votre nom et vos coordonnées, puis c'est un tirage. Ils vont donner 3 paires de billets pour Beast samedi. À tout hasard! Demain à l'émission, on va recevoir Maxime Lemieux-Ramé pour sa chronique Télécharge quoi. Donc, il va nous faire découvrir de nouveaux groupes. Peut-être que vous ne les connaissez pas encore. Mm-hmm, c'est demain à l'émission. Il va y avoir une chronique technologique CNX aussi. Ce soir, sur les ondes de C'est Fou, c'est du rap. Donc, il y a Rap 101 à 19h et il y a Volteface à partir de 21h. Soyez sur les ondes pour ça. Et puis, demain matin, ben, il y a la pilule du lendemain. Exactement. À 7h. Et les unités de con. À 11h. Et Assemblage requis. À 15h. Et vous, partout. Tout le temps, à C'est Fou. Bonne soirée, bye. C'était poétique, hein? On se croirait dans la semaine de la poésie. Hein? C'est quand c'est ta représentation, Mathieu? C'est quand? C'est... Je sais pas si c'est encore confirmé, mais demain, là, on a un autre poète à l'émission. Oui, c'est vrai, Sarah Cohen. On est bien de le dire. On se quitte avec Silver Starling. La pièce Closer. Bye-bye. Bye, bonne soirée. Trop aigu. Je devrais pas aller aussi aigu que ça. Ça me fait pas très bien. Ah, bonne soirée. Bonne soirée, les amis. Bye.